Sentir souffler les caprices du vent, se sentir errer aux délices du temps, faire le chemin d'autres pèlerins, une vue qui inonde mon destin. Sommes-nous condamnés à cette terre, suis-je le seul juge de nos doutes? Suivre notre route en laissant derrière ces instants de joie éphémère. Chemin de nos rêves, alors que la vie est brève. Sommes-nous condamnés à errer sur cette terre? Suis-je le seul juge de nos doutes? Sommes-nous condamnés à errer sur cette terre?